إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours 28 dans l'explication de شرح مسائل الجاهلية. Et on est arrivé donc au point numéro 93 aujourd'hui. Et le titre de ce point c'est At-ta'assub al-mamqout. Hein? At-ta'assub al-mamqout. Donc qu'est-ce que ça signifie? At-ta'assub c'est le fait de faire preuve de fanatisme ou de partisanisme ou de nationalisme ou de tribalisme. Yani, le fait de s'accrocher à quelque chose et de déclarer appartenir à quelque chose qui est, disons, contraire à l'islam, hein, qui est basé sur des choses qui sont contraires à l'appartenance à l'islam. Et donc, le cheikh, il explique donc, At-ta'assub al-mamqout. Al-mamqout, ça veut dire qu'est-ce qui est détesté, qu'est-ce qui est quelque chose qui est détesté, qui est. Qu'on doit rejeter en fait, quelque chose qui est détesté. Ça vient de al-maqt, c'est yani, quand tu dédaignes quelque chose, quand tu détestes quelque chose au point où ça te yani, ça te dégoûte ou ça, yani, ça, tu le haïs cette chose. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit an ta'assub al-insan li ta'ifatihi 'ala al-haqq wal-batil amrun la budda minhu 'indahum فذكر الله فيه ما ذكر. Donc le cheikh il dit que yani, le fait que un individu yani, s'accroche et est d'accord fanatiquement avec les positions de son groupe ou de sa tribu ou de sa jama'a, des choses comme ça, peu importe qu'il soit sur la vérité ou sur le mensonge ou sur la fausseté, hein, pour eux c'est quelque chose, c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire quand tu es avec nous, tu es avec nous. Si t'es contre nous, ça veut dire que si t'es pas d'accord avec nous, donc t'es contre nous, donc t'es notre ennemi. Et il regarde pas est-ce que c'est basé sur le haq ou sur le batil, est-ce que le groupe avec lequel il est, est-ce qu'ils défendent qu'est-ce qui est vrai, ou bien ils sont sur quelque chose qui est faux, ça c'est pas important. Qu'est-ce qui est important, c'est que tu sois avec le groupe. Si t'es avec le groupe, tu dois être avec le groupe jusqu'au bout. Dans tout ce qu'ils décident, dans tout ce qu'ils aiment, dans tout ce qu'ils veulent, dans tout ce qu'ils font, que ce soit vrai ou faux. Et donc, ça c'est une sorte de fanatisme, hein, une sorte de partisanisme ou bien de tribalisme ou des choses de ce genre. Et ça c'est ce qu'on retrouve chez les gens de Bid'a et chez les koufars, chez les mouchriquins en général. Hein. Ils te disent, par exemple, bon, si tu es dans notre parti, si tu es dans notre groupe, hein, tu vas être dans notre organisation, dans notre association, tu dois être avec nous jusqu'au bout, dans le bien, dans le mal, dans le vrai, dans le faux. Peu importe qu'est-ce qu'on fait, que ce soit en accord avec l'islam ou non, tu dois être d'accord avec nous. Et ça, on le remarque dans la position, surtout dans la position des Hizbiyin. Hein, l'un d'entre eux va prendre une décision, on va dire une parole, on va dire quelque chose qui est contraire à l'islam, les autres vont le défendre malgré qu'il est dans le mensonge et dans la fausseté. Donc ça c'est at-ta'assub al-mamqout. C'est ça at-ta'assub al-mamqout. Hein? Ou bien de prétendre appartenir à, par exemple de s'affilier ou de dire appartenir à quelque chose, peu importe que ce soit une tribu, un peuple, une nation, yani, une nation, un peuple, une citoyenneté ou autre chose, yani, quand c'est basé sur quelque chose de faux, mais malgré tout, hein, tu dis, bon, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dedans. Le cheikh, il dit, التعصب الشيخ الفوزان يقول التعصب المذموم هو الاستمرار على الباطل مع العلم ببطلانه تكبرا وعنادا ونصرة للشخص أو للقبيلة على حق أو باطل وهذا من أمور الجاهلية يقول شاعرهم وما أنا إلا من غزية إن غوت غووت وإن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. Donc ça veut dire le ta'assub qui est blâmable et qui est rejeté, c'est le fait de persister et de rester sur ce qui est faux malgré que tu sais que la chose est fausse et tu continues à le faire et tu continues à le suivre par fierté, par orgueil, par arrogance, hein, pour défendre une personne ou une tribu, hein, sur la vérité ou sur le mensonge. Ça fait partie des choses de la jahiliya. Ça fait partie des choses de la jahiliya. Le cheikh, il mentionne les paroles d'un poète en arabe, hein, ça dit, moi je suis par rapport à Razia, si elle s'égare, je m'égare avec elle, et si elle se met sur le droit chemin, je me mets sur le droit chemin avec Razia. En voulant dire, c'est comme ça qu'il est avec Razia. Hein? Razia, c'est le nom d'une femme. Hein? Donc, c'est-à-dire, il la suit dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle dit, dans tout ce qu'elle désire. D'accord? Peu importe que ce soit vrai ou faux. Donc, il dit, moi, par rapport à elle, si elle s'égare, je m'égare avec elle, et si elle est guidée, je suis guidé avec elle. Donc, ça, c'est certains individus, c'est comme ça qu'ils sont par rapport à leur groupe ou à leurs affiliations, ou par rapport à la tribu ou un individu qu'ils suivent. Ils vont suivre un cheikh. Le cheikh, peu importe, il se trompe ou il est dans le haq ou il est dans le batil, ils le suivent dans le batil comme dans le haq, yani sans faire de distinction entre les deux. Donc ça, c'est at-ta'assub al-mazmoum. C'est ça, ce genre de fanatisme, hein, de partisantisme, des choses de ce genre qui sont blâmables en islam, qui sont rejetées. Ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, il dit, فأنزل الله في ذلك ما أنزل من قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا أي لا يحملكم بغض قوم على أن لا تعدلوا في حقهم ولو كانوا أعداءكم فالعدل مطلوب مع الأصدقاء ومع الأعداء قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى فلا تحملك القرابة على أنك تحيف مع قريبك بل إذا كان مخطئا تغير خطأه ولا تتابعه عليه بل تنصحه وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Donc, le cheikh ici, il explique. Il dit que le ta'assub, hein, ce genre de fanatisme qui est blâmable, hein, comme on l'a dit, c'est de s'accrocher à ce qui est mensonge, à ce qui est mensonger et ce qui est faux, et de persister là-dedans. Et ensuite, on a expliqué le début, puis après il dit, et Allah a fait descendre à ce sujet-là, ce qu'il a fait descendre comme révélation, et il mentionne des versets dans le Coran comme le verset 8 dans sourate Al-Ma'idah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, hein, et que votre haine d'un peuple, hein, ne vous pousse pas à cesser d'être juste, hein, ne faites pas que votre haine pour un peuple vous amène à être, hein, à ne pas être juste envers eux. Et donc il dit qu'on doit être juste même avec nos ennemis. Hein? Il faut être juste avec tout le monde, avec nos alliés, nos amis et avec nos ennemis également. Et il dit, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا. Et si vous dites une parole, alors soyez juste dans cette parole. Même si c'est quelque chose qui concerne les proches de la famille. Parce qu'il y a des gens, quand c'est des ennemis, ils vont dire la vérité parce que c'est contre leur ennemi. Et quand c'est leurs amis, ils vont cacher la vérité pour les défendre. Ou bien des choses de ce genre. Donc, on doit être juste. Et on ne doit pas regarder la personne et le lien qu'il a avec nous par rapport à la vérité. Dans le sens qu'il faut dire la vérité, peu importe de qui il s'agit. Et donc, le cheikh, il dit, il ne faut pas que ton lien de parenté avec cette personne t'amène à être injuste, hein, avec tes proches. Hein, ou être injuste en général. Il dit, si la personne, elle a fait une erreur, alors tu dois corriger cette erreur. Et donc, tu ne dois pas, l'encourager dans son erreur, et tu ne dois pas non plus l'aider dans cette erreur-là. Tu dois, au contraire, lui donner le bon conseil. Et il mentionne donc le verset 152 dans Surat Al-An'am. Et lorsque vous dites une parole, alors dites, soyez juste, même si c'est contre vos proches. Hein? Même si c'est contre vos proches. Et quand vous parlez, soyez juste, même s'il s'agit d'un proche parent. Et remplissez vos engagements envers Allah. Ensuite, il mentionne un autre verset dans Surat Al-Nisa, qui est le verset 135. Surat An-Nisa, qui est à peu près dans le même sens que celui-là, mais qui en même temps ramène encore plus de précision justement à ce sujet-là. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist. Ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne. Et fût-ce même contre vous-même, c'est-à-dire même contre votre propre personne, même si c'est contre toi-même que tu dois témoigner, tu dois dire la vérité. Ou même contre vos pères et mères, imagine, même tes propres parents, ou des proches également. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre, Allah a priorité sur eux deux. Hein? Il est plus connaisseur de leur intérêt que vous. Donc, quelqu'un par exemple, il pourrait dire, bon, si celui-là il est riche, si je témoigne contre lui, ça peut me faire des problèmes par la suite, ou bien même, si je témoigne contre lui, ça peut me faire des problèmes, et si je témoigne en sa faveur, étant donné qu'il est riche, peut-être qu'il peut me donner quelque chose, de l'argent. Et si c'est un pauvre, et que tu témoignes contre lui, tu dis, ah ben, ça ne dérange pas parce que lui, il est pauvre de toute façon, donc il ne pourra pas me donner rien en échange si je témoigne en sa faveur, ou bien il ne pourra pas me faire du tort si je témoigne contre lui. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il s'agisse d'un pauvre ou d'un riche, Allah a priorité sur eux deux. Hein? Donc, tu dois être juste, peu importe la personne au sujet duquel tu vas témoigner. Et il dit ensuite, et ne suivez donc pas les passions afin de ne pas dévier de la justice. Il ne faut pas laisser nos passions, nos désirs, nous faire dévier de la justice et de la vérité. Et si vous portez un faux témoignage, ou si vous refusez, vous voulez cacher le témoignage que vous avez, alors sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Il y en a qui témoignent, mais qui témoignent faussement. Et il y en a d'autres qui refusent de témoigner qui témoignent, mais qui cachent la vérité dans leur témoignage, ou qui refusent de témoigner lorsqu'ils ont la connaissance de quelque chose. Donc, ça, bien entendu, c'est incorrect. Donc, le cheikh, il dit, « فالواجب على الإنسان العدل مع نفسه ومع قريبه ومع صديقه ومع عدوه. » ولا تحمله عداوة أحد أن يظلمه أو يجور عليه هذا هو شأن المسلم. Donc l'obligation pour un homme c'est de dire, d'être juste et de dire la vérité même contre lui-même ou contre ses proches ou contre ses amis ou contre ses ennemis, peu importe. Et par exemple l'animosité ou la haine qu'il a envers quelqu'un ne doit pas l'amener à être injuste et à faire de l'injustice à cet ennemi-là ou à cet individu-là. Donc on doit être juste avec nos ennemis. Même avec nos ennemis, on doit être juste. On n'a pas le droit, à cause de l'animosité qu'on a envers lui ou contre lui, de faire de l'injustice à cause de ça. Et ça, c'est le musulman et c'est le comportement du musulman. Et justement, Yannick, aujourd'hui, ça me fait penser à quelque chose, justement, par rapport au témoignage. Et quelque chose qui est... Ça, c'est quand on témoigne entre les hommes, là, ça peut être grave. Mais quand on témoigne par rapport à la religion d'Allah, c'est encore plus grave qu'on cache la vérité ou qu'on dise des mensonges pour se protéger soi-même. Et ça, ça me fait penser à... Yannick, une histoire... Justement, j'ai entendu ça aujourd'hui dans les médias, subhanallah. Un homme qui est accusé, par exemple, d'avoir plusieurs femmes. Et il est musulman. Les koufars, eux, ils interdisent ça. Ils interdisent qu'un homme ait plusieurs femmes. Alors lui, pour se protéger devant les koufars, il dit qu'il a des maîtresses, que ce n'est pas ses femmes. Bon, ça c'est son problème. Si quelqu'un dit ça, yani c'est son problème à lui. C'est un péché qu'il dévoile. Ça c'est grave, il devrait... pas le faire, mais bon. Mais si il ment en plus et il dit que dans l'islam on a le droit d'avoir des maîtresses, alors là ça c'est mentir à propos d'Allah et ça c'est mentir à propos de la religion d'Allah. Alors dans ce cas-là c'est pas correct. Quelqu'un n'a pas le droit de faire ça pour se justifier soi-même. Le mieux c'est qu'il clarifie la vérité et qu'il dise la vérité. Hein? S'il a plusieurs épouses, qu'il le dise. Hein, que ce sont des musulmans, des femmes qui sont mariées islamiquement avec lui et que yani, il les a pas mariées selon la loi française, mais yani, islamiquement il est marié avec elles. Il n'a pas le droit de dire que dans l'islam on a le droit d'avoir des maîtresses. A'udhu billah, yani. Donc ça c'est un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, dans ce verset, wa idha qultum fa'dilu walau kana ذا قربة إذا لوت verset ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم. Donc si vous dites quelque chose, alors soyez juste même si ça concerne vos proches. Et dans l'autre verset, même si c'est contre vous-même ou vos parents, vos pères et mères ou vos proches. Donc ça, si on doit être juste dans nos paroles au sujet de nos proches, et même on doit témoigner même contre nous-mêmes, s'il faut, alors il faut dire la vérité dans ces choses-là. Et même, et surtout lorsque c'est au sujet de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu commences à dire aux gens que dans l'islam, on a le droit d'avoir des maîtresses, alors, juste, qu'est-ce que ça va être après, hein? Ensuite, donc le cheikh, il dit, Amma ahlul jahiliya, فَإِنَّهُمْ يَتَعَصَّبُونَ لِقَوْمِهِمْ. Yani, en passant, comme des frères m'ont expliqué que cet individu-là qui a dit ça, c'est un tablir. Il fait partie de la secte de Jama'at al-Tablir. Donc ça, c'est dans ce, dans ce cas-là, on n'est pas surpris de savoir que ces gens-là mentent à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est leur habitude de mentir de toute façon. Ensuite, le cheikh dit, وأما أهل الجاهلية فإنهم يتعصبون لقومهم ولو كان قومهم ظالمين فأمرنا الله جل وعلا بمخالفتهم وأن نقول الحق ولو على أنفسنا وعلى أقاربنا وعلى أصدقائنا وعلى أعدائنا وقال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله ننصره إذا كان مظلوما فكيف ننصره إذا كان ظالما قال تمنعه عن الظلم فذلك نصره فنصره أن تمنعه من الظلم وليس نصره أن تساعده على الظلم فهذا خذلان له Donc, le cheikh, ensuite, donc le cheikh il explique, il dit, en ce qui concerne les gens de la Jahiliya, eux c'est le contraire, ils s'accrochent fanatiquement à leur peuple, à leur tribu, hein, à leur groupe. Aujourd'hui il y en a des jeunes comme ça, ils sont dans des gangs, hein, et ils sont fanatiquement en train de défendre leur gang. Je ne sais pas si en France vous avez ce phénomène des gangs, peut-être c'est des jeunes dans chaque quartier, il y en a qui font partie de tel quartier ou de tel quartier, ils sont fanatiques, ils défendent fanatiquement leur quartier. Et s'il y a des jeunes de notre quartier qui causent des problèmes, ben là, ça, peu importe que ce soit dans le haq ou dans le batil, hein, ou des choses même haram, ils vont les défendre. Donc ça, c'est les attitudes des gens de la Jahiliya. Donc il dit, le cheikh il dit, ces gens-là dans la Jahiliya, c'est ça ce qu'ils faisaient. Ils défendaient fanatiquement leur peuple ou leur tribu, hein, yani, malgré que leur peuple était des injustes. Et Allah nous a interdit de leur ressembler et nous a ordonné de les contredire, de faire le contraire de ce qu'ils font. Et le cheikh il dit, et on doit dire la vérité même si c'est contre nous, hein, ou même contre nos proches, ou contre nos amis, ou contre nos ennemis aussi. C'est-à-dire, il faut dire la vérité et être juste, que ce soit pour ou contre, hein, selon la situation. Et être juste. Hein? C'est pas parce que quelqu'un c'est un ennemi, on va se permettre de mentir contre lui. Et quand c'est un ami, on va cacher la vérité. Non, on doit être juste et honnête. Hein? Et en même temps aussi, par rapport à la question dont je parlais tout à l'heure, yani, les koufars menacent par exemple quelqu'un parmi les musulmans de lui enlever la nationalité française, par exemple. Alors que dans l'islam, déjà en partant, les ulama ont expliqué qu'il n'est pas permis pour un musulman de prendre la citoyenneté d'un pays de kufr. Donc, à cause de, par crainte de se faire enlever cette citoyenneté, par exemple, on va mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est encore plus grave. Hein? Donc, ça, c'est des exemples. Donc, le cheikh, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu dois aider ton frère, qu'il soit l'oppresseur ou l'opprimé, hein, qu'il soit celui qui fait l'injustice ou celui qui subit l'injustice, tu dois lui venir en aide. Alors les sahaba ont dit, ô messager d'Allah, comment on va lui venir en aide si c'est lui qui fait l'injustice, et si c'est lui qui est opprimé, et si c'est à lui qu'on fait de l'injustice, là on est d'accord qu'il faut l'aider. Mais comment on va l'aider alors que c'est lui qui commet l'injustice, hein? Les sahaba ont compris la signification islamique, hein? Ils ont compris qu'on ne peut pas aider un injuste, on ne peut pas lui venir en aide et le supporter. Alors ils demandent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment on doit comprendre cette parole que tu viens de nous dire. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il répond à leurs questions et il leur dit, comment tu vas l'aider lorsqu'il est injuste? Tu vas l'empêcher de faire de l'injustice. Et en agissant ainsi, et en le faisant cesser son injustice, là tu vas lui venir en aide en faisant ça. Donc, le fait de l'aider, c'est en le stoppant et en l'arrêtant de faire son injustice. Et de lui venir en aide, ça ne signifie pas de l'aider à faire l'injustice. Hein? Parce que si tu l'aides à faire l'injustice, en même temps, c'est en réalité, tu l'as trahi. Tu ne l'as pas aidé, tu l'as trahi dans ce qu'il fait. Parce que tu l'éloignes de la vérité. Et tu l'encourages dans le mal et dans le bien et dans le haram. Hein? Donc, si quelqu'un te demande de l'aide, te demande le support, te demande ton soutien dans l'injustice, dans le mal, dans le haram, dans ce qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas du tout à l'aider. Hein, au contraire, tu dois l'arrêter et le stopper et le faire cesser son injustice. C'est comme ça que tu lui viens en aide. Et si cet individu-là qui fait du mal, qui fait du haram, il essaie par la suite de te faire culpabiliser ou de te faire sentir mal, hein, par le fait que tu ne lui es pas venu en aide et qu'il te critique et qu'il te blâme de ne pas l'avoir aidé dans son injustice et dans son mal, tu ne dois pas te sentir coupable et te sentir mal en toi-même de ne pas l'avoir aidé dans des choses haram. Au contraire, tu dois être fier et content et heureux de ça. Et en plus, tu dois faire tout ce que tu peux pour essayer de le stopper dans son injustice. Et ce hadith-là, il est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Donc ça, c'est des points importants. Hein, c'est des points importants et il faut se rappeler toujours de ces choses-là parce que c'est ça le message de l'islam. Et c'est ça que l'islam est venu interdire parmi les exemples de la jahiliya. Et c'est ça ce qu'on retrouve aujourd'hui, les gens, hein, les gens dans la jahiliya, il y en a des koufars qui sont dans leur jahiliya aujourd'hui, ou dans dans certains aspects ou certaines manifestations de la jahiliya, eh ben, on voit chez eux ces caractéristiques-là, qu'ils cèdent et qu'ils se défendent les uns les autres dans leurs injustices, hein, et ça c'est pas correct. Et même parmi les gens, qui sont musulmans mais qui ont des déviations, qui ont des égarements, qui ont des bid'ahs, on voit qu'ils manifestent aussi ces caractéristiques-là et ces attitudes-là, et donc il faut, si c'est le cas, il faut se corriger de ça, se repentir de ça et essayer de se réformer, de s'améliorer, inshallah. Donc ça c'est fini pour le point 93. Maintenant le point 94, akhdhul bari bi jarimati ghayrihi. Ça c'est le point numéro 94, c'est-à-dire d'attraper l'innocent pour le punir d'un crime que quelqu'un d'autre a fait. C'est-à-dire tu punis l'innocent pour le crime d'un autre. Ça fait partie des caractéristiques des gens de la jahiliya. Hein? Ça fait partie de leurs caractéristiques. Hein? Ils punissent les innocents à cause du crime des autres. Ça c'est malheureux, mais c'est ça ce qui se passe souvent. Le cheikh il dit أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. Donc parmi les aspects de leur religion ou de leurs caractéristiques dans la jahiliya, c'est qu'ils punissent un homme pour le crime de quelqu'un d'autre, et Allah a fait descendre à ce sujet-là le verset 18 dans sourate Fatir. Il dit ولا تزر وازرة وزر أخرى, c'est-à-dire que une âme n'aura pas à porter le poids de ce qu'une autre, du péché d'une autre âme, du péché de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il a fait comme péché. Donc, ça c'est un point aussi, le cheikh il explique ça. Il dit, « Min masa'il jahiliya annahum ya'khudhun ar-rajul et yu'aqibunahu bisababi jurmi ghayrihi. Fa'anzala Allah ta'ala wa la taziru waziratun wizra ukhra. فالذي لم يحصل منه ظلم ولا فالذي لم يحصل منه ظلم لا يؤاخذ بظلم غيره حتى ولو كان قريبه ابن عمه او والده او ولده ولا يجني جان الا على نفسه ولا يؤخذ البريء بجريمة المعتدي فإذا أخذ غير المعتدي بعنوان المعتدي فهذا ظلم وجور لا يقره الإسلام. Le cheikh il dit parmi les aspects de la jahiliya, c'est qu'ils attrapent un homme et ils le punissent à cause du crime de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que quelqu'un d'autre a fait? Donc, comme Allah il le mentionne dans le verset 18 que j'ai cité tout à l'heure, et une âme n'aura pas à porter la charge d'une autre. Et donc, ce qui arrive, par exemple, c'est ce que les gens faisaient dans la jahiliya. Quelqu'un, il fait un crime, quelqu'un fait quelque chose à quelqu'un. Donc, étant donné qu'ils ne sont pas capables d'attraper le coupable directement, alors qu'est-ce qu'ils font à la place? Ils attrapent son frère, ou bien ils attrapent son neveu, ou son enfant, ou sa famille même parfois, et puis ils se vengent sur son frère ou sur son cousin, ou bien sûr sa famille, ses proches, hein, pour les punir à sa place. Hein, ils disent, bon, étant donné qu'on n'est pas capable d'attraper le coupable, on va punir les autres qui sont dans sa famille pour le punir lui indirectement. Ça, c'est interdit dans l'islam. Le cheikh, il dit, hein, celui qui n'a pas commis d'injustice, il n'a pas le droit d'être puni pour l'injustice que quelqu'un d'autre a commis à sa place. Hein? Même si c'était son proche parent, hein, le fils de son oncle, c'est-à-dire son cousin, ou son père, ou son enfant même. Hein? Si quelqu'un a commis un crime, il ne peut pas, disons, être puni pour lui. C'est uniquement le criminel ou celui qui a commis le crime qui doit être puni pour le crime qu'il a commis. On ne va pas attraper l'innocent et le punir pour un crime de quelqu'un d'autre. Donc, le cheikh il dit ici, donc si on attrape l'innocent et on le punit à cause de l'injustice de celui qui a transgressé, alors là c'est de l'injustice qu'on a fait. Et ça l'islam ne l'accepte pas. D'accord? Et donc il y a des fois, il y a des musulmans comme ça des fois qui agissent comme ça. Malheureusement ils agissent comme ça et ça fait partie de la jahiliya. Il y a des gens, par exemple, ils disent, bon, il y a des juifs en Palestine, par exemple, ils ont tué un musulman. Donc, eux, ils sont en France, ou bien ils sont au Canada, ou quelque chose comme ça. Ils marchent dans la rue, ils voient un juif, ils lui sautent dessus, ils commencent à le frapper. Hein? Ah, c'est ça, qu'est-ce que vous avez fait en Palestine? Subhanallah. Est-ce que tu peux frapper un innocent ici à cause de qu'est-ce qu'un autre a fait ailleurs? Ça, c'est de l'injustice. Et ça, c'est pas permis. Dans l'islam. Dans l'islam, si quelqu'un a commis un crime, quelqu'un a fait une injustice, c'est lui qui doit être puni pour cette injustice-là, et non pas un autre individu que lui. Et souvent, c'est ça que des gens comprennent pas, et c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils faisaient dans la jahiliya, et encore aujourd'hui, c'est ce qu'ils font les criminels, comme par exemple la mafia, ou les gangs, ou les motards, des choses comme ça. Quand ils veulent se venger de quelqu'un ou bien punir quelqu'un, ils ne sont pas capables de l'attraper, ils se vengent sur ses proches ou sur sa famille ou des choses de ce genre. Et ça c'est de l'injustice. Hein? Le cheikh il dit الآن في بعض البوادي إذا حصل اعتداء من شخص من قبيلة وكان هذا الشخص لا وزن له لا يقتصون منه وإنما يقتلون أو ينتقمون من غيره من من القبيلة ممن هو أشرف منه أو أعز منه ولا يأخذون المعتدي وإنما يأخذون شيخ القبيلة أو من له قيمة أو مقام في القبيلة وهذا من فعل الجاهلية. Donc le cheikh il donne un exemple ici. Il dit aujourd'hui dans certains endroits chez les bédouins, c'est ce qui se passe. Quand quelqu'un a transgressé, quand il y a eu une transgression contre un individu d'une tribu, hein, donc si cet individu-là il n'a aucun poids ou aucune valeur dans la tribu, ils ne vont pas chercher à appliquer la rétribution pour lui. Ils vont seulement tuer ou se venger de quelqu'un d'autre de la tribu, parmi ceux qui sont plus nobles que lui. Hein, ou bien plus puissant. Et ils vont pas prendre de celui qui a transgressé lui-même. Ils vont se venger sur quelqu'un qui est plus puissant que lui. Ils vont prendre le chef de la kabila, de la tribu, ou bien quelqu'un qui a un poids ou une valeur dans la tribu. Et ça fait partie des exemples de la jahiliya, hein, ce que le cheikh explique. Donc il dit, qu'est-ce qui est obligatoire? Il dit, al-wajib anna al-jarima تختص بصاحبها ويقتص من صاحبها وهذا هو العدل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. Donc le cheikh il dit, l'obligation c'est quoi? C'est que lorsque quelqu'un a commis un crime, eh bien la punition soit spécifiquement pour celui qui a commis ce crime-là, et c'est de lui qu'on doit chercher à avoir, disons, c'est sur lui qu'on doit appliquer la peine et le talion. Et ça c'est la justice. Et il mentionne le verset 194 dans Sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, celui qui a transgressé contre vous, alors transgressez contre lui comme il a transgressé contre vous. Donc le cheikh il explique ensuite فالحاصل أن هذه قاعدة عظيمة أن الجريمة تختص بمن فعلها ولا تتناول غيره. Donc ça c'est une règle. Pour résumer tout ça, c'est une règle, une grande règle dans l'islam, que c'est un principe que celui qui commet un crime, c'est lui qui doit être puni, et on ne doit pas punir quelqu'un d'autre que lui à sa place. Le cheikh dit فإن قلت يرد على هذا أن الله جعل دية الخطأ على العقلة ولم يجعلها على القاتل وليس هذا فيه تحميل لغير أليس هذا فيه تحميل لغير المذنب بذنب غيره؟ نقول لا، هذا من العدل والتعاون. لما لما كان القاتل خطأ غير متعمد ناسب ذلك أن تعينه عصابته أن تعينه عصابته كما أنهم يرثون ما له لو مات فكذلك يحملون عنه الخطأ الذي وقع فيه من غير قصد أما المتعمد للجريمة فهذا يختص جزاؤه به ولذلك لا تحمل العاقلة عمدا. Donc, le cheikh explique ici, il dit, si quelqu'un disait par exemple que, dans l'islam, lorsque quelqu'un a tué quelqu'un accidentellement, eh bien, le prix du sang de la personne qui a été tuée, c'est à toutes les proches de la personne qui c'est-à-dire la personne qui a commis l'accident, qui a tué la personne accidentellement, c'est ses proches qui doivent payer le prix du sang de la victime. C'est pas quelque chose qui a été donné à payer uniquement à celui qui a commis l'accident ou qui a tué accidentellement la personne. Donc, est-ce que là, il n'y a pas le fait qu'on fait porter à autre que le coupable le prix de son péché? Et là, le cheikh, il dit non. On répond à ce sujet-là, non. Ça fait partie au contraire de la justice et du fait de s'entraider et de collaborer ensemble. Le cheikh il dit, lorsque quelqu'un a tué quelqu'un accidentellement, ou d'une manière qui n'est pas préméditée, par exemple, supposons, comme le cheikh il mentionne cet exemple-là, c'est-à-dire il ne mentionne pas d'exemple, mais on peut mentionner un exemple pour donner une idée plus claire à ce sujet-là. Ici en Europe, ici au Canada ou en Europe, il y a les systèmes que les gens appellent l'assurance. Les gens ils ont des assurances pour leur voiture. Donc si quelqu'un il fonce dans une personne dans la rue, il frappe une personne et qu'elle meurt, souvent il n'a rien à payer parce que c'est son assurance qui paye. On sait que dans l'islam, l'assurance c'est haram parce que c'est basé sur le riba, puis il y a aussi d'autres éléments qui font que l'assurance est haram. Mais les ulama ont expliqué que, étant donné que c'est des situations où tu es obligé d'avoir une assurance pour avoir une voiture et que ça rentre dans la nécessité, alors dans ce cas-là, ils permettent d'avoir le minimum dans l'assurance pour la voiture. Donc ici, tu frappes quelqu'un, l'assurance paye pour toi. Mais dans un pays musulman, si tu frappes quelqu'un, il n'y a pas d'assurance, comme par exemple en Arabie Saoudite. S'il y a un accident, quelqu'un frappe quelqu'un et il le tue par accidentellement, il n'y a pas d'assurance pour ça. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est que les proches, tous les proches ensemble de la personne, doivent se mettre ensemble pour payer le prix de sang de cette personne-là qui a été tuée. Et donc là, on réalise vraiment à quel point c'est important de faire attention. Quand on conduit, pour justement pas frapper quelqu'un accidentellement et des choses de ce genre. Mais ici, à cause de tout le système, des fois on perd le sentiment de responsabilité des actions qu'on fait à cause de ça. Parce qu'on se dit, de toute façon, l'assurance va payer, c'est pas grave. Et même pire encore, il y en a qui font exprès pour se faire frapper, ils s'arrangent d'une manière à ce que ça paraisse que c'est un accident, mais en réalité, ils ont fait exprès, ou ils ont essayé de provoquer ça, ou de faire en sorte que ça se passe comme ça pour retirer de l'argent des assurances pour par la suite avoir de l'argent par rapport à cet accident-là. Donc ça vous montre à quel point on vit dans un système, des fois, les gens l'utilisent de manière vraiment tordue. Donc, pour revenir à notre sujet, le cheikh, il dit donc que dans des situations comme ça, lorsque quelqu'un a tué quelqu'un accidentellement ou de manière qui est non préméditée ou non volontaire, alors c'est dans ce cas-là normal que ses proches lui viennent en aide pour payer la diya, pour payer le prix de sang de cet individu. De la même manière que si cet individu-là qui a fait l'accident, qui a commis l'accident, si cet individu-là meurt, lui, ce sont ses proches qui vont hériter de lui, de son argent. Donc, de la même manière que si lui, il a un accident et qu'il tue quelqu'un accidentellement, c'est ses proches qui doivent lui venir en aide. Donc, ils doivent porter donc cette erreur avec lui, de la même manière que ça s'est, du fait que ça s'est produit de sa part, mais ce n'était pas intentionnel. Il a fait ça, c'est un accident. Mais si c'était volontaire et qu'on arrive à démontrer que la personne, il a fait ça et que c'est un crime et qu'il l'a fait intentionnellement et prémédité, alors dans ce cas-là, on va uniquement punir celui qui l'a commis ce crime. On ne va pas punir ses proches. Parce que là, il l'a fait intentionnellement et volontairement. D'accord ? Donc ça, c'était juste un petit point que le cheikh a mentionné en passant comme ça, juste pour clarifier cette question-là. Après, le cheikh, il dit, le point numéro 95, ta'yir al-rajul binaqsin fi ghayrihi. Ta'yir al-rajul binaqsin fi ghayrihi. C'est-à-dire, d'essayer de rabaisser ou d'insulter une personne à cause d'une faiblesse ou à cause d'un manque ou à cause d'un défaut qui existe chez quelqu'un d'autre. Et donc le cheikh il dit ta'yir al-rajul bima fi ghayrihi fa qala a'yartahu bi ummihi innaka mru'un fi kajahiliyah. Il dit comme par exemple d'insulter quelqu'un ou de trouver des blâmes de rabaisser quelqu'un à cause des défauts de quelqu'un d'autre. Et il donne l'exemple de la personne qui a insulté quelqu'un à cause de sa mère. Il dit, est-ce que tu l'as insulté à cause de sa mère? Certes, tu es une personne en laquelle il y a de l'injustice, de la jahiliya, de l'ignorance. Et il dit, le cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là, il dit, هذا في قصة أبي ذر رضي الله عنه لما قال في واحد من أفاضل الصحابة من السابقين الأولين إلى الإسلام قال له يا ابن السوداء لأن أمه سوداء قال له صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية فتعيير الرجل أو فتعيير الشخص بشيء ليس فيه وإنما هو في غيره أو بدناءة نسبه هو من أمور الجاهلية وليس كل من كانت فيه خصلة من خصال الجاهلية يكون كافرا. Donc le cheikh il dit, comme dans l'histoire de Abi Dharr radiallahu anhu, lorsque un d'entre les meilleurs parmi les sahaba, parmi les premiers qui ont précédé à l'islam, il a insulté, Abu Dharr a insulté un d'entre les meilleurs d'entre les sahaba, il lui a dit une mauvaise parole, il lui a dit, ô fils de la noire. Et pourquoi? Parce que sa mère était noire. Et donc il lui a dit, est-ce que tu l'as insulté ou tu essaies de le rabaisser à cause de sa mère? Tu es une personne, dans laquelle il y a encore de la jahiliya. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, le cheikh il dit que le fait d'insulter un individu à cause d'une chose qui n'est pas en elle-même, que c'est uniquement en quelqu'un d'autre, ou à cause du fait qu'on considère que son origine est une origine qui est, moins importante que la nôtre ou des choses de ce genre, ça fait partie des aspects de la jahiliya. Hein? Et c'est, yani, ça ne veut pas dire non plus que quelqu'un, s'il a une caractéristique de la jahiliya, qu'il est kafir. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que lorsque quelqu'un possède une caractéristique de la jahiliya, ça veut dire qu'il est automatiquement kafir. Mais il faut comprendre que parmi les aspects de la jahiliya, il y en a qui sont kufr et il y en a qui sont des péchés et qui sont haram, mais qui n'atteignent pas le degré de kufr. Donc ça, c'est important de le comprendre. Le cheikh, il dit ensuite, افتخارهم بأعمالهم الطيبة. Ça c'est le point numéro 96 dans les points de Masail al-Jahiliya. Le fait que les gens de la Jahiliya, ils sont fiers et ils se vantent de leurs bonnes œuvres et des bonnes actions qu'ils font. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit الافتخار بولاية البيت. الافتخار بولاية البيت فذمهم الله بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون. Donc il dit qu'ils se vantent du fait d'être responsables de s'occuper de la mosquée, de la maison sacrée, c'est-à-dire de la Kaaba. Et Allah les a blâmés à cause de ça. Hein? Et il mentionne le verset 67 dans Surat al-Mu'minun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit et ils sont orgueilleux, hein? Ils s'enflent d'orgueil à cause de ça, yani, à cause du fait qu'ils sont hein, en train de qu'ils s'occupent de la Kaaba et des choses de ce genre, et ils passent leur nuit comme ça à discuter sur les bonnes choses qu'ils ont faites et à se vanter des choses de ce genre. Il se rappelle les bonnes choses qu'ils ont fait et ils se vantent. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ça. ومن مسائل الجاهلية أنهم يفتخرون بقيامهم على المشاعر وبسندتها pardon وبسدانتها وتنظيمها ورفادة الوافدين إليها وسقاية الحجيج. فهم يفتخرون بهذا العمل مستكبرين به أي بولاية البيت وبخدمة البيت الشريف وبخدمة الوافدين إليه يفتخرون بهذا على غيرهم من العرب فهذا من أمور الجاهلية لأن خدمة بيوت الله عبادة فلا يجوز للإنسان أن يفتخر بالعبادة لأنه يتقرب بها إلى الله ولا يريد الثناء من الناس والمدح من الناس بل يحمد الله أن جعله ممن يقومون بهذا العمل دون أن يتكبر به أو أن يفتخر به. Donc Cheikh il dit que parmi les exemples des choses de la jahiliya, des pratiques des gens de la jahiliya, c'est qu'ils se vantent de faire des bonnes œuvres, comme par exemple le fait de s'occuper des lieux saints, hein, et yani, mashaa'ir, des sites des endroits où les gens allaient faire le hajj, hein, et de s'occuper de tout ce qui a rapport avec l'organisation du hajj et d'accueillir les gens qui viennent faire le hajj et les délégations et ainsi de suite. Et également qu'il s'occupe du fait d'abreuver les hujjaj qui viennent faire le hajj. Donc, il s'enflait d'orgueil de ce travail-là et de faire ce travail. Hein? Et comme il dit dans le verset 67, dans Surat al-Mu'minun, Mustakbirina bihi. C'est-à-dire, il s'enflait d'orgueil à ce sujet-là, ils étaient fiers, ils se vantaient de ça, hein? D'être en train de servir la maison et la Kaaba et tout. Et de servir les hujjaj et tout. Donc ils considéraient ça comme une fierté qu'ils avaient sur les autres arabes. Et ça fait partie des choses de la jahiliya. Parce que, en fait, de servir la maison d'Allah, c'est une adoration. Dans le sens où de s'occuper de la maison d'Allah, c'est une adoration. Et donc, il n'est pas permis aux gens de se vanter des adorations qu'ils font. Parce que c'est quelque chose par laquelle on se rapproche à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on ne doit pas vouloir des éloges de la part des gens ou de la glorification de la part des gens. Bien au contraire, on doit au contraire remercier Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et yani, lui faire des louanges et le remercier du fait qu'il nous a permis de justement d'accomplir ce travail-là et de pouvoir justement servir et s'occuper de sa maison et de faire des adorations, ainsi de suite, sans s'enfler d'orgueil ou se vanter de ces choses-là. Donc, il dit, فَهُمْ بَدَلًا مِنْ أَنْ يُؤْمِنُوا بِالرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَبِالْكِتَابِ وَيَتَّبِعُوهُ يَفْتَخِرُونَ بِعَمَلِهِمْ فِي الْبَيْتِ وَيَظُنُّونَ أَنَّ هَذَا يَكْفِيهِمْ عن اتباع الكتاب واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الذم لهم، أنهم اعتاضوا عن الكتاب عن اتباع الكتاب بخدمة البيت ظنا منهم أنهم أنها تكفيهم. فهذا من أمور الجاهلية. Donc le cheikh il dit que au lieu de croire en le messager et en le livre, et au lieu de suivre le livre et le messager, ils se sont vantés de leurs œuvres, du fait qu'ils s'occupent de la Kaaba, ainsi de suite, et ils pensent que ça c'est suffisant, et que du fait qu'ils font ce travail-là, hein, et qu'ils s'occupent de la Kaaba, et ainsi de suite, ils pensent que ça, ça les a épargnés, ou ça, que ça les exempte de devoir suivre le Coran et la Sunna, de suivre le Coran et le messager d'Allah. Et donc c'est pour ça que Allah les blâme dans ce verset-là, parce que ils se sont satisfaits, ils se sont limités de yani, servir la Kaaba, et ils ont cru que ça, ça les exemptait de suivre le Coran et de suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça, ça fait partie des aspects de la jahiliya. Il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui, hein. Ils pensent que par le fait que, par exemple, ils sont responsables d'une tombe, ou d'une tombe d'un wali, ou responsables d'un lieu saint ou d'une mosquée, dans un endroit, que, à cause de ça, donc, ça leur donne une certaine fierté, un honneur, et par la suite, hein, ils s'en vantent, et ils s'éloignent du Coran et de la Sunna, ils ne suivent pas les ordres d'Allah. Donc ils pensent que le fait qu'ils sont en train de faire ce travail là ça les a exemptés de faire le travail pour Allah. Il y a des gens comme ça aussi qui, par exemple, ils font une œuvre charitable ou un bon travail parmi les choses de, par exemple, des actions humanitaires que les gens font pour la dunya, des koufars, même parfois des mouchriquins, des koufars, des gens des garments. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des actes humanitaires, par exemple dans les pays musulmans ou dans les pays non musulmans. Ils vont pour aider les pauvres, ils vont pour nourrir les pauvres, ils vont pour faire toutes sortes de bonnes œuvres. Et ils pensent que du fait qu'ils ont fait ça, ça les a épargnés ou ça les a exemptés de suivre l'islam et de se convertir à l'islam, ou de se limiter à suivre le Coran et la Sunna. Donc ils disent, nous, yani, on aide les pauvres, on fait du bien, on aide les gens. Et donc, du fait qu'on fait ça, c'est suffisant, on n'a pas besoin de suivre l'islam et de croire en le Coran et en le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, regardez maintenant la suite, qu'est-ce que le cheikh, il dit. Il dit, والله جل وعلا يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. نعم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام عمل صالح، ولكن لا يفتخر الإنسان بهذا ويظن أنه يكفيه، بل عليه أن يسهم بالأعمال الصالحة الأخرى التي هي أجل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، وهي الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله والهجرة وأعمال جليلة. فالإنسان لا يقتصر على عمل ويظن أنه يكفيه، لا سيما إذا ظن أنه يكفيه عن اتباع القرآن والسنة، والآن هناك من يظنون أن سكانهم أن سكناهم في مكة والمدينة تكفيهم عن العمل حتى قال قائلهم النائم فيه يعني الحرم خير من القائم في غيره وهذا غرور من الشيطان. Donc le cheikh il donne l'exemple en mentionnant le verset 19 dans sourate Tauba, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la mosquée des devoirs comparables au mérite de celui qui croit en Allah et au jour dernier et lutte dans le sentier d'Allah? Ils ne sont pas égaux auprès d'Allah. Ils ne sont pas égaux auprès d'Allah. Donc ça, c'était les gens de Quraysh, les kuffars et les mushrikines à l'époque. Ils s'imaginaient que, hein, ils se vantaient du fait que, ils disaient, nous, on abreuve les gens qui viennent faire le pèlerinage, on s'occupe de la mosquée, on entretient la mosquée, hein. Donc ça, c'est une bonne action qu'on fait. Ils se vantaient de ça. Et ils pensaient que ça, c'était suffisant et qu'ils n'avaient pas besoin de croire en Allah et au jour dernier et de lutter dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu en leur disant: est-ce que vous êtes en train d'essayer de comparer le fait d'abreuver les gens qui font le hajj et de s'occuper de la mosquée avec le fait de croire en Allah et au jour dernier et de lutter dans le sentier d'Allah? Ça, ce ne sont pas des choses égales pour Allah. Hein? Pour Allah, c'est pas équivalent, hein? De s'occuper d'une mosquée ou de s'occuper de quelque chose, de donner de l'eau aux gens, de les abreuver, c'est pas quelque chose qui est équivalent à la foi en Allah et au tawhid et au jihad fi sabilillah, ainsi de suite. Donc, il faut pas mettre les choses, hein, à l'envers. Et eux, souvent, c'est ça ce qu'ils font. Et même les kuffars, c'est ça ce qu'ils font, hein. Ils disent, oh, nous on fait du travail humanitaire, on aide les pauvres, on guérit les malades, hein, on les aide, on leur vient en aide, hein, on leur donne des médicaments, on construit des écoles, on fait ci, on fait ça, hein. Donc, en voulant dire quoi? En voulant dire, on est meilleur que vous, les musulmans. C'est ça ce qu'ils veulent dire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a répondu aux gens de Quraysh qui voulaient mentionner ce genre de choses-là. Hein, en leur disant, vous pensez que vous occupez de la... Allah, il leur dit, est-ce que vous avez fait du fait de vous occuper des gens qui font le hajj, de la mosquée du haram, hein, la mosquée al-haram, c'est-à-dire la mosquée sacrée à la Mecque, hein, le sanctuaire, hein, al-Kaaba, tout ce qui est autour. Vous pensez que ça c'est équivalent? Alors que vous faites le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors que vous rejetez la foi en l'Yom al-Akhir et vous ne voulez pas lutter dans le chemin d'Allah, vous ne suivez pas le Coran, vous ne suivez pas la Sunna, vous pensez que ça c'est suffisant? Vous pensez que juste faire ça c'est suffisant? Donc c'est la même chose avec ces gens-là, les kuffars aujourd'hui et les autres parmi les gens de Bid'a qui font ça. Hein? Ils se vantent de leurs bonnes œuvres. Et vous avez même les hizbiyins qui font ça. Hein? Ils font des manifestations. Ils font des par exemple des levées de fonds ou des choses comme ça, des démonstrations, des soupers bénéfices ou des choses comme ça pour aider une cause ou quelque chose comme ça, et parfois même ils vont faire des actions communautaires ou du travail communautaire ou des choses comme ça ou du bénévolat. Puis après ça, quand il y a une campagne ou des élections, ils vont mettre ça par la suite sur leur affiche. Ils vont montrer ça. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça pour la communauté, on a fait ça pour la communauté, on a fait ça pour la communauté, on a fait ci, on a fait ci, on a fait ça. Donc pourquoi? Pour dire, regardez, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait beaucoup de bonnes œuvres, alors votez pour nous. C'est exactement la même chose que les gens de la Jahiliya faisaient. Ils se vantaient de qu'est-ce qu'ils faisaient de leurs bonnes œuvres. Et le pire, c'est qu'ils sont sur la bid'a et ils contredisent le Coran et la Sunna. Hein? Comme les mouchriquins, ils étaient sur le shirk et l'égarement et l'adoration d'autres qu'Allah, et ils se vantaient de quelques bonnes œuvres qu'ils faisaient par la suite. Alors qu'on sait très bien qu'au jour de la résurrection, toutes les bonnes œuvres qu'ils ont faites, elles seront transformées en poussière au jour de la résurrection parce qu'ils n'ont pas cru à Allah. Donc, le cheikh, il dit, hein, il dit donc que de nourrir les, de s'occuper des hujjaj, de leur donner de l'eau, de s'occuper du haram, la mosquée al-haram et tout, ça c'est des bonnes œuvres. Mais on ne doit pas se vanter de ces bonnes œuvres. Hein? Et on ne doit pas non plus penser que ça, ça nous suffit. Hein? Il faut au contraire faire des efforts et essayer d'accomplir les autres bonnes œuvres, qui sont même plus importantes que de donner de l'eau au hujjaj et de disons d'entretenir la mosquée, ainsi de suite. Comme par exemple le jihad, dans le de lutter dans le sentier d'Allah, hein, de croire en Allah, de faire la hijra et de faire des bonnes œuvres, des grandes œuvres comme ça. Ça c'est plus important. Et donc il dit un individu donc il doit pas se limiter uniquement à un exemple de travail ou d'action qu'on fait, puis penser que ça, ça lui suffit. Surtout s'il pense que ça lui, ça l'exempte ou ça lui suffit par rapport à suivre le Coran et la Sunna. Qu'il n'a pas besoin de suivre le Coran et la Sunna à cause de ces actions-là qu'il fait. Donc il dit aujourd'hui, il y en a des gens comme ça. Ils pensent que le fait qu'ils habitent à la Mecque ou à Médine, que ça, ça les épargne de faire les bonnes œuvres. Et il dit qu'il y en a même parmi eux qui ont dit que celui qui dort et qui habite dans le haram, il est meilleur que celui qui habite à l'extérieur ou ailleurs que dans le haram et qui prie toute la nuit. Donc pour eux, ils pensent que le fait de dormir dans les lieux saints, hein, ou à la Mecque ou à Médine, quand tu habites là-bas, ils pensent que le fait de dormir là-bas, c'est mieux que de prier à l'extérieur de ces lieux-là. Et il dit ça, c'est des tromperies du shaitan et des ruses du shaitan. Hein? Ces gens qui pensent comme ça. Le cheikh dit ensuite, iftikharuhum bintisabihim ila tayyibin ma'a mukhalafatihim lahum. Intisabuhum. Donc, le point numéro 97, c'est que ces gens-là, ils se vantent d'appartenir aux gens de bien alors qu'ils les contredisent. Alors qu'ils contredisent les gens de bien. Le cheikh il dit al-iftikharu bi kawnihim dhurriyat al-anbiya fa atallahu bi qawlihi tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Donc il mentionne que, hein, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit, il se vante du fait d'être les descendants des prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu en disant, تلك أمة قد خلت. Voilà une nation qui est passée maintenant. C'est-à-dire, elle est passée maintenant. Elle a acquis ce qu'elle a fait comme action. ولكم ما كسبتم. Et vous aurez, qu'est-ce que vous avez acquis. C'est le verset 134 dans Sourate Al-Baqarah. Donc, le Cheikh Al-Fawzan il explique ce passage. Il dit, من عمل بني إسرائيل أنهم يفتخرون بكونهم ذرية الأنبياء دون أن يتبعوهم ولا سيما خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وكان الواجب عليهم أن يتبعوهم أما أن يقولوا نحن ذرية الأنبياء نحن ذرية الأنبياء يكتفوا بهذا دون أن يتبعوهم فهذا رد الله عليهم بقوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت فالإنسان يعتبر بعمله هو لا بعمل غيره فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الخلق ولكن هذا لا يغني عن ذريتهم إذا لم يتبعوهم فأعمال الأنبياء لهم وأنتم لكم أعمالكم وكذلك كل من يفتخر بعمل آبائه وأجداده وأنهم صالحون وأنهم علماء يظن أن هذا يكفيه عن أن يعمل هو كالذين ينتسبون إلى أهل البيت ويظنون أن انتسابهم إلى أهل البيت يكفيهم دون أن يقوموا هم بأعمال صالحة هذا من هذا القبيل. Donc le cheikh, juste avant de rentrer dans ce sujet là, Hein? Je vais juste mentionner un point par rapport à ce qu'on vient de lire tout à l'heure, le fait qu'il ne faut pas se vanter de nos actions et de nos œuvres qu'on fait soi-même. Et justement, comme j'ai mentionné dans le cours samedi, j'avais expliqué, par exemple, qu'est-ce que certains font dans certaines turq soufiya. Au contraire, eux, ils exagèrent dans justement le fait de mentionner les bonnes œuvres qu'ils font ou les bonnes œuvres de leur soi-disant de leur cheikh, et même parfois ils vont exagérer dans ce qu'ils attribuent même à leur cheikh ou à leur marabout, et ils vont le décrire avec des caractéristiques qui sont parfois tellement exagérées, on dirait qu'ils parlent de Dieu, hein. Ils ont déifié leur cheikh. Donc ça, c'est très grave et c'est très dangereux, ce genre de choses. Donc le cheikh, il dit maintenant que il parle d'un autre exemple, le point numéro 97, des gens qui se vantent d'appartenir aux prophètes et d'être les descendants des prophètes. Hein? Il dit, parmi les actions des gens de Bani Israël, ils se vantent d'être les descendants des prophètes, sans les suivre eux-mêmes. En particulier, la siyama khatim al-anbiya Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, sans oublier, et en particulier, le fait qu'ils ne suivent pas le dernier d'entre les prophètes, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils sont fiers de dire qu'ils descendent des prophètes, mais ils ne suivent pas les prophètes. Et en particulier, ils ne suivent pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors que c'était obligatoire pour eux de le suivre. Hein? Mais de dire, par exemple, nous, on est les descendants des prophètes, et ils se limitent à ça seulement, sans les suivre, alors Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés. Quand il disait ça, en mentionnant le verset 134 dans Surat al-Baqarah, Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Ce sont des gens qui sont passés, c'est-à-dire c'est une umma qui est passée dans le. C'est-à-dire, maintenant ça y est, ils ont vécu et ils sont morts et ils ont acquis ce qu'ils ont fait comme action. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous avez fait comme action? Hein? Vous allez avoir ce que vous avez acquis, pas ce que eux ont acquis. Eux, ce qu'ils ont acquis, c'était pour eux-mêmes. Donc le cheikh, il dit qu'un homme doit considérer son action à lui, qu'est-ce qu'il a fait lui, et non pas ce que d'autres personnes ont fait. Ça va pas lui servir en quoi que ce soit, hein? Parce qu'il y a des gens comme, par exemple, justement chez les soufiyines, chez les gens de bid'a parmi les soufis, subhanallah, ils se vantent des actions de leur cheikh ou des actions de ce que leurs ancêtres ont fait parmi les marabouts ou les chouyours. Si par exemple, on va dire que leur grand-père ou leur arrière-grand-père est un cheikh, hein, quelqu'un d'important dans une tariqa ou quelque chose comme ça, donc ils vont avoir, eux, un prestige à partir de ça, ils se donnent une valeur à cause de ça. Ils disent, ah, nous on est descendants de ce cheikh. Donc, ils pensent qu'ils ont hérité de quelque chose, de ces choses-là. Donc, des fois on voit ça. C'est comme par exemple, même pour Tariq Ramadan aujourd'hui, hein, le fait qu'il est descendant de Hassan al-Banna, les Ikhwan, ils pensent qu'il a une valeur spéciale. Hein, du fait qu'il est son petit-fils, hein, un héritier spirituel, soi-disant. Hein, comme ça se transmet chez les soufis, hein, ils pensent que la wilaya, elle se transmet de père en fils. Ils pensent que si un père était un wali, le fils est un wali lui aussi automatiquement. Hein, il devient son héritier, des choses de ce genre. Donc, il y en a qui ont cette idée-là. Hein, hein. Donc, ça c'est pour dire comment les gens, parmi ces gens-là, ils pensent. Donc, ils vont se vanter de ce que leurs ancêtres ont fait, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont même pas fait ni un dixième de ce que, soi-disant, si c'était vraiment des hommes pieux, de ce qu'ils avaient fait, eux. Et donc, le cheikh, il dit ici, « وَالْأَنْبِيَا عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هُمْ أَفْضَلُ الْخَلْقِ » Donc, les prophètes, ce sont les meilleurs des créatures. Hein? Et il dit, mais, malgré que ce sont les meilleures créatures, ils ne peuvent pas profiter à leur progéniture, excepté si leur progéniture les ont suivis réellement. en voulant dire que hein, si un prophète il a eu des une descendance, si sa descendance ne l'a pas suivi, ne les a pas suivis, ben ces prophètes-là ne pourront rien faire pour eux. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est allé voir les gens de sa tribu, les gens de sa famille, il leur a dit, hein, un par un, il s'est adressé à eux, il leur a dit, chacun d'entre eux, je ne peux rien faire pour toi au jour de la résurrection. Je ne peux rien faire pour toi au jour de la résurrection. Même à sa propre fille, hein, il a dit, ya Fatima, je ne peux rien, sauf toi, hein, parce que je ne peux rien faire pour toi au jour de la résurrection. Hein? La urni'anka min Allahi shay'a. Donc c'est pour ça que il faut comprendre ce point-là, c'est très important. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut rien faire pour sa propre fille, Fatima, au jour de la résurrection, si elle-même, elle ne s'est pas mise sur le droit chemin, alors que dire des autres? Hein? Que dire des autres qui sont venus après et qui ne sont même pas de sa famille? Donc comment des gens aujourd'hui pourraient essayer de se baser sur ce que des proches à eux ont fait dans le passé pour essayer de se donner une valeur ou hein, de s'attribuer un prestige ou quelque chose de ce genre. Donc le cheikh il dit, les actions des prophètes, c'est leur action à eux. Et vous, vous avez vos actions. Hein? Et de même que فَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ يَفْتَخِرْ بِعَمَلِ آبَائِهِ. Ça rentre, comme je disais tout à l'heure, tout ce qu'on a dit à propos des gens qui se vantent des actions d'être les descendants des prophètes, hein, ils se vantent de ce que les prophètes ont fait, et ils disent, nous on est descendants des prophètes, c'est la même chose par rapport à ceux qui se vantent des actions que leurs ancêtres ont fait, ou que leurs grands-parents ont fait. J'ai donné des exemples des soufiyins et certains d'entre eux qui se prétendaient des awliya ou qui ont été déclarés awliya, et qu'est-ce que leurs progéniteurs ont fait ou ont dit par rapport à eux. Et dans certains cas, c'était même pas des awliya, mais supposons que vraiment c'était des grands hommes et que c'était vraiment des grands ulama leurs ancêtres. Est-ce que ça justifie qu'ils se limitent à ce que leurs ancêtres ont fait pour se vanter de ce qu'ils ont fait et eux-mêmes ils ne font pas les efforts pour eux-mêmes, hein? Donc c'est ça ce que le cheikh il explique. Il dit, de même que toute personne, hein, qui se vante pour les actions de ses ancêtres, de ses grands-parents ou des arrière-arrière-grands-parents ou des choses de ce genre, que c'était des hommes pieux ou que c'était des ulama, et il pense que ça lui suffit et que il n'a pas besoin de faire lui-même ses propres actions, hein, comme ceux qui par exemple ils se disent appartenir à la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, nous on est de Ahlul Bayt, ils disent, nous on est des Ashraf, on est des Sharifs, et ils pensent que le simple fait d'appartenir à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça c'est suffisant pour eux, sans qu'ils aient eux-mêmes à accomplir des actions. Ils n'ont rien, comme si eux ils n'ont pas besoin de rien faire. Et ça donc ça rentre dans la même chose de ce qu'est-ce qu'on vient de mentionner par rapport au prophète. Donc le cheikh il dit, wa kadhalika alladhina yatawassaluna bi'amali an-nabi aw bi-jahi an-nabi aw bi'amali al-awliya'i aw as-salihin ما علاقتهم بعمل غيرهم عملهم لهم وعملك لك ولا ينفعك عملهم يوم القيامة لا أحد ينفع أحدا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فلا ينفعك يوم القيامة إلا فلا ينفعك يوم القيامة إلا عملك لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فهذا فيه رد على الذين يتوسلون بالأولياء والصالحين أو بجاههم ويكتفون بانتسابهم إلى الصالحين أو إلى الأنبياء أو قرابتهم منهم دون أن يعملوا لأنفسهم. يقول صلى الله عليه وسلم, يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا, يا عباس عم رسول الله, يا صفية عمة رسول الله, يا لا أغني عنكم من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت ولا أغني عنك من الله شيئا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأقرب الناس إليه لا أغني عنكم من الله شيئا. Donc le cheikh il explique, il dit que la même chose comme par exemple ceux qui font le tawassul par les prophètes. Tawassul par les prophètes ou par le statut ou le degré des prophètes. Ou par les actions des hommes pieux et des awliya, des saints. Par exemple, ils disent, quand ils font leur dua, ils demandent à Allah, mais ils demandent à Allah par les actions d'un prophète. Ou par le niveau, le degré d'un prophète, ou par le statut d'un prophète, ou par les actions d'un homme pieux, ou par les actions des hommes pieux, des salihins. Donc le cheikh il dit, en passant, tout ça c'est bid'ah, hein, de demander à Allah par le nom d'un prophète, ou par les actions d'un prophète, ou par le statut d'un prophète, ou par le degré d'un prophète, tout ça, ça rentre dans la bid'ah. Ça fait pas partie de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et en ce qui concerne le tawassul, les ulama ils nous ont expliqué la différence entre le tawassul qui est permis et le tawassul qui est bid'a et le tawassul qui est shirk. Ils nous ont expliqué que le tawassul, si tu veux demander à Allah, tu peux lui demander en mentionnant ses noms. Tu lui mentionnes par ses noms et ses attributs. Ou bien tu peux lui demander à Allah subhanahu wa ta'ala par des bonnes œuvres que tu as accomplies, des bonnes choses que tu as faites toi-même. Hein, tu dis, oh Allah, hein, j'ai fait telle et telle et telle action, donc je te demande, hein, à cause de cette action-là, de m'exaucer dans mon doua. Comme l'exemple des trois hommes qui étaient enfermés dans la grotte. Il y a un gros rocher qui est tombé devant l'entrée de la grotte, ils ne pouvaient plus sortir, et pour sortir, ils ont mentionné des bonnes œuvres qu'ils avaient faites. Donc ça c'est un exemple de tawassul qui est permis. Et il y a aussi le tawassul par le dua d'un homme pieux. Ça aussi ça fait partie des exemples de ce qui est permis. C'est-à-dire que tu demandes à quelqu'un et que à quelqu'un à qui tu penses que yani tu penses du bien de cette personne, tu penses que cette personne elle a de la piété et qu'elle est une personne qui est proche d'Allah. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, yani, tu demandes à cette personne-là plutôt d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Donc tu fais le tawassul. Ça, c'est des formes de tawassul qui sont permises. Et quand on dit c'est ça, quand on dit de faire le tawassul par les hommes pieux, la signification correcte de ça, ça veut dire que tu leur demandes d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse des doigts pour toi. Tu dis, demande à Allah pour moi. Ça, c'est le tawassul, hein, par les doigts des hommes pieux. Mais, comme les soufis et les gens de bid'a l'ont compris, eux, c'est autre chose. Eux, ils demandent à Allah par le prophète. Comme les chrétiens, quand ils prient au nom de Jésus, hein, eux, les soufis, ils font la même chose, mais avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien avec des hommes pieux ou des chouyours parmi les soufis. On dit, ah, je te demande Allah par le prophète, ou par son statut, ou par le statut des hommes pieux, ou des choses de ce genre. Tout ça, c'est des bid'ahs. Et ça peut amener des gens à tomber dans le shirk. Parce que ça, c'est quelque chose qui amène les gens au shirk. Parce que quand ils demandent par le prophète, ou par les hommes pieux, ou par le statut du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou par son degré, ou des choses de ce genre, eh bien, par la suite, ils risquent de tomber et commencer à demander directement au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ou de demander à une tombe ou à un autre parmi les salihins. Et ça, ça les amène à tomber dans le shirk. Parce que c'est ça ce qui se passe aujourd'hui auprès des tombes. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent les morts eux-mêmes directement et ils leur demandent de les exaucer directement. Hein? Et ils les prennent comme des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah. Donc, ils tombent dans le shirk akbar qui fait sortir de l'islam. Donc ça c'est très dangereux et c'est très grave. Et donc le cheikh il dit ici donc, ça c'est l'exemple qu'on a mentionné tout à l'heure, le fait des gens qui se basent sur les actions de ce que leurs ancêtres ont fait, hein, et qui se vantent de ça et qui sont fiers de ça, mais qui ne font pas d'action pour eux-mêmes, c'est comparable à ceux parmi les soufis qui font ce genre de tawassul qui est contraire à l'islam. Hein? C'est-à-dire que le cheikh, il dit, c'est quoi le lien entre les actions de ces hommes pieux-là et les autres? C'est-à-dire, c'est quoi le lien entre le bien que ces prophètes-là ont fait et toi? Les actions que ces prophètes-là ont fait et que ces hommes pieux-là ont fait, ce sont leurs actions à eux. Pourquoi ça pourrait te porter, pourquoi ça pourrait t'aider en quoi que ce soit toi, à toi? La chose qui peut te profiter à toi, c'est uniquement tes actions à toi. Les l'homme pieux, le prophète, hein, c'est un messager d'Allah. Et l'homme pieux, hein, c'est quelqu'un qui est rapproché d'Allah. Comment il s'est rapproché d'Allah, l'homme pieux? Il s'est rapproché d'Allah, hein, en adorant Allah et en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi qu'il est devenu un homme pieux. Donc si tu veux, toi, que yani, tu veux que ça te profite en quoi que ce soit, c'est, ça veut dire que tu dois suivre leur exemple et toi aussi faire les bonnes œuvres pour que tu, inshallah, toi aussi fasses partie des hommes pieux et que Allah subhanahu wa ta'ala te fasse miséricorde par la suite. Et non pas de dire, oh Allah subhanahu wa ta'ala, je te demande parce que un tel, il a fait des bonnes œuvres, il était pieux, donc exauce-moi à cause de ses bonnes œuvres et à cause de sa piété. C'est quoi le lien entre sa piété à lui et toi, et ta situation à toi? Si toi tu veux avoir la grâce d'Allah et la miséricorde d'Allah, fais les causes. Comme cet homme pieux-là a fait les causes et il a reçu la grâce et la miséricorde d'Allah, donc toi aussi tu dois faire la même chose. Hein? Donc c'est ça ce que le cheikh explique ici. Et donc il dit, les actions de ces hommes-là et de ces hommes pieux-là, ça va leur servir à eux, et tes actions à toi, elles vont te servir à toi. Leurs actions ne vont rien te servir, hein, au jour de la résurrection. Il n'y a personne qui peut aider ou qui peut profiter à quelqu'un d'autre. Et comme le cheikh il le mentionne, le verset 286 dans sourate Al-Baqarah, لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. C'est-à-dire, ce qu'elle a acquise, ce qu'elle a fait de bien, c'est pour elle, et ce qu'elle a fait de mal, c'est contre elle. Et toi, ça ne va pas te venir, ça ne va pas te profiter en quoi que ce soit, il n'y a rien qui va t'aider au jour de la résurrection, excepté tes propres œuvres à toi. Hein? Comme le cheikh il mentionne l'autre verset, le verset 5, le 134 dans le surat Al-Baqarah, لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. Celle-là, cette nation qui est morte, qui est passée, elle aura ce qu'elle a acquise, elle sera récompensée selon ce qu'elle a acquise, elle aura ce qu'elle a fait, et vous, vous aurez ce que vous avez fait, vous. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et vous n'allez pas être questionnés de ce que eux ils faisaient. Donc, le cheikh dit, فَهَدَ فِيهِ رَدٌ على الذين يتوسلون بالأولياء والصالحين أو بجاههم. Donc il dit, il y a dans ça une réfutation de ce que sont en train de faire ceux qui prennent les prophètes et les hommes pieux et les salihin ou leur statut comme un moyen soi-disant pour avoir une grâce d'Allah ou pour accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils prennent ça comme un moyen et ils font le tawassul par ces personnes-là, par leur être ou par leur statut, et ils pensent que le simple fait de dire qu'ils ont un lien de parenté avec les gens pieux ou avec les prophètes ou qu'ils ont ils sont de la même famille qu'eux, ils pensent que ça c'est suffisant sans qu'ils aient à accomplir les œuvres eux-mêmes. Et le cheikh il mentionne un hadith à ce sujet-là qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari et Muslim. Comme le hadith dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, ô assemblée de Quraysh, achetez vous-même, c'est-à-dire sauvez-vous vous-même. Je ne peux rien faire pour vous contre Allah. Ô Abbas, mon oncle, oncle du messager d'Allah. Ô Safiya, tante du messager d'Allah. Je ne peux rien faire pour vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux rien faire pour vous contre Allah subhanahu wa ta'ala. Ô Fatima, fille de Muhammad, demande-moi de mes biens tout ce que tu veux, mais je ne peux rien faire pour toi contre Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça c'est pour dire que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens qui étaient les plus proches de lui qu'ils ne pouvaient rien faire pour eux contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait qu'ils appartiennent à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils soient des proches du messager sallallahu alayhi wa sallam, hein, des ashraf ou des gens de Ahlul Bayt, ou bien qu'ils soient par exemple des awliya et des salihin, ils sont des proches des hommes pieux et des salihin, hein, ou des grands shuyukh, des choses de ce genre, ou bien le fait qu'ils demandent, par exemple, ils font le tawassul par eux, le shaykh il dit fa kawnukum tantasibuna ila rasul aw qarabati rasul aw qarabati al-awliya wa salihin aw tatawassaluna bi jahihim hadha la yanfa'ukum shay'an. Donc le shaykh il dit, le fait que vous apparteniez au messager sallallahu alayhi wa sallam, vous dites que vous êtes de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien des proches des hommes pieux, et que vous essayez de mentionner leur degré, hein, pour demander des choses à Allah subhanahu wa ta'ala, vous dites je te demande par ton prophète, ou je te demande par le degré de ton prophète, ou par le statut de ton prophète, ça ne peut rien faire pour vous, hein, ça ne peut rien vous profiter. Et donc le cheikh dit wa yawm al-qiyama يقول الله سبحانه وتعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال تعالى ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كل مشغول بنفسه حتى إن عيسى يقول ربي لا أسألك مريم رب لا أسألك مريم التي ولدتني نفسي. Le cheikh il dit, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, le jour où aucune âme ne pourra rien faire pour une autre, et que l'ordre tout entier ce jour-là appartient à Allah. Le verset 19 dans Surat Al-Infitar, et le verset 34 à 37 dans Surat Abasa. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le jour où un homme s'enfuira de son frère, de sa mère et de son père, de sa compagne et de ses enfants. Ce jour-là, chacun sera assez préoccupé de ses propres problèmes et de ses propres choses. Donc, chacun sera occupé par lui-même ce jour-là. Et même Isa alayhi salam, le cheikh il dit, il va dire, ô Seigneur, je te demande pas au sujet de Mariam qui m'a mis au monde, mais je te demande pour moi-même, nafsi, nafsi. Hein? Donc ça c'est des exemples, des explications de ce que le cheikh il nous explique aujourd'hui, dans les passages qu'on a lus aujourd'hui, et il y a dans ça des leçons vraiment très importantes pour nous. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, et on continuera yani samedi prochain la suite, inshallah. Et puis il y a une organisation d'un séminaire sur Paltalk la semaine prochaine. Donc j'ai envoyé les messages sur le groupe CIM, le centre d'apprentissage islamique de Montréal. Donc inshallah on va diffuser inshallah les informations et les horaires. Il y aura le cheikh Abdul Hadi qui va participer, le cheikh Chalabi aussi. Donc inshallah on va informer tout le monde en temps venu inshallah. Donc on va s'arrêter pour ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.